je vais faire un bref rappel des cafés JO qui existent depuis maintenant 7 ans. Et ils existent grâce au soutien de l'UPT, donc l'Université Populaire de Tours. Donc c'est une association qui a pour mission de formater les esprits, je suis pas sûr. Mais donc l'accès à la culture pour tous, au plus grand nombre, et puis donc ils œuvrent dans ce sens depuis 2004. C'est aussi grâce à ESPACE, donc l'association des doctorants en sciences humaines, donc qui va bientôt se renommer l'ADSHS, c'est ça ? Et de Confluence, donc l'association des géographes tourangeaux en géographie. Pour le programme de la soirée, jusqu'à à peu près 21h30 environ, on va vous laisser faire votre intervention. Et après, on va laisser place aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et puis à nous en faire part. Et ça durera à peu près une demi-heure, enfin en fonction du nombre de questions. Et après, vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants autour d'une petite collation. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, le sujet s'intitule « Économie verte, capitalisme recyclé ». Donc l'économie verte, elle a pour ambition de réaliser les objectifs du développement durable, mais en passant par une transformation du système capitaliste. Donc on va essayer d'en dégager les enjeux et les acteurs, et surtout, est-ce que ce modèle peut être une véritable alternative par rapport au système capitaliste qui existe actuellement. Donc pour en parler, on a deux très brillants doctorants, Gwenaëlle Blorville, qui est doctorante en sociologie à Tours. Ses thèmes de recherche, c'est les formes d'engagement dans les divers mouvements liés aux valeurs des créatifs culturels, notamment l'écologie. Et Cécilia Gutel, qui est doctorante en anthropologie, toujours à Tours, qui a pour thème de recherche la dimension sociale de la question de la couleur de peau au Brésil. C'est à vous. Bonjour. Donc bonsoir à tous, voilà, donc j'ai un micro qui marche. Après quelques soucis techniques, on va peut-être y arriver. Donc du coup, je voulais, n'hésitez pas à me dire si jamais vous n'entendez pas, parce que j'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser le micro. Donc en tout cas, pour commencer donc ce café géographie donc sur l'économie verte, capitalisme recyclé, je voudrais tout d'abord vous définir un petit peu ce qu'est l'économie verte, puisque c'est une expression qu'on entend parfois, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça renvoie. Et tout d'abord, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'économie verte, et là je pense que ça va plus vous parler, on va peut-être dire d'abord ce qu'elle n'est pas, et l'économie verte, ce n'est pas du greenwashing, ce qu'on appelle aussi verdissement de l'économie. Et en fait, le greenwashing, que vous connaissez sans doute mieux que l'économie verte, c'est vraiment du marketing ou de la communication. C'est-à-dire qu'on va jouer sur l'image du produit, mais sans rien changer ou vraiment à la marge au processus de production. Donc je vais vous donner quelques exemples très, très concrets de greenwashing. Alors vous avez par exemple, premier exemple assez frappant, McDonald's, qui dans plusieurs pays d'Europe va changer son logo de couleur dès 2009. Et en fait, quand on regarde, enfin, il y a beaucoup d'associations qui ont essayé de montrer que c'est du greenwashing, puisque quand on regarde les mesures annoncées, en fait, c'est surtout de la stratégie de communication. Et il y a eu peu d'engagement de McDonald's de réellement concret. Second exemple que j'aimerais aussi vous montrer, c'est cette fois-ci, c'est une publicité. Alors, je suis désolé de vous passer de la publicité au café Géo, mais c'est une publicité donc pour la marque Renault. Je vous donnerai juste quelques petits commentaires après. Si vous avez réussi à entendre le son. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant dans cette publicité qui est vraiment du greenwashing, c'est que là, vous voyez à l'image un visuel qui est appelé Eco2, qui paraît ressembler à un label au premier abord, sauf qu'en réalité, c'est pas du tout un label, puisque c'est un visuel qui a été inventé par la marque Renault, et donc qui ne renvoie à aucun label indépendant. Donc du coup, on est censé croire Renault sur parole quand ils nous parlent de leur visuel Eco2. Et du coup, ça peut vraiment induire le consommateur en erreur, puisque voilà, en se faisant passer pour un label. Et de plus, cette publicité, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle met aussi en scène la navigatrice Hélène MacArthur, que j'aurai l'occasion d'évoquer à nouveau tout à l'heure. Alors, en fait, le concept d'économie verte, j'ai toujours le micro. D'accord, ok, c'était moi qui n'avais pas le retour. Donc, le concept d'économie verte, en fait, donc, ça renvoie à un projet qui est beaucoup plus sérieux que simplement du greenwashing, et en fait qui est apparu suite aux échecs du développement durable. Donc c'est dans la continuité, mais en même temps un petit peu en rupture, comme je vais le développer. Et quand je dis échec du développement durable, ça renvoie notamment à l'échec que vous connaissez tous du protocole de Kyoto. Et en fait, donc du coup, l'économie verte, c'est pas non plus tout à fait du développement durable. Et le développement durable, vous le savez peut-être, c'est une expression qui a été consacrée en 1992 lors du troisième sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Et donc, derrière cette idée de développement durable, il y avait l'idée de concilier les trois piliers, ce qu'on appelle les trois piliers du développement durable, à savoir, voilà donc ce que vous avez à l'écran, à savoir donc la protection de l'environnement, d'une part, donc l'écologie, le développement économique, d'autre part, et le développement social, enfin. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment d'arriver, on se disait, avec le développement durable, on va arriver enfin, à allier ces trois piliers, donc écologie, économie et sociale. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les accords qui ont été faits concernant le développement durable, qui ont été pris, notamment le protocole de Kyoto, mais d'autres accords, n'ont pas été respectés par un certain nombre de pays. Et du coup, dans ce contexte, on a eu ce concept d'économie verte dont on va vous parler ce soir, qui a été élaboré en fait dans certains sommets et dans certains rapports, notamment des Nations Unies et plus précisément du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui vont commencer à employer l'expression d'économie verte dès 2008. Et en fait, selon ses promoteurs, l'idée de l'économie verte, c'était vraiment de réaliser en acte ce que le développement durable avait promis depuis des années et des années. Donc c'est vu aujourd'hui à l'échelle internationale comme étant le moyen de réaliser en acte, j'insiste bien sur cette idée, de réaliser en acte ce que le développement durable a promis depuis longtemps. Et en réalité, et ça c'est ce que j'ai découvert dans mes travaux, c'est que en parlant d'économie verte, les Nations Unies, en fait, elles ont seulement fait que institutionnaliser, pardon, un processus qui était déjà en cours depuis les années 90. C'est-à-dire que l'ONU commence à parler d'économie verte dès 2008, mais dans les années 90, vous avez déjà des groupes au sein du champ du pouvoir qui commencent à parler d'économie verte, même si ce n'est pas médiatisé à ce moment-là. Et en fait, l'idée forte de l'économie verte, ça va être d'intégrer la nature et les services rendus par la nature dans l'économie. Alors, je vais essayer d'être assez concret quand je dis, enfin, qu'est-ce que ça veut dire intégrer la nature et les services rendus par la nature dans l'économie? L'idée, c'est que dans l'économie classique, les services qui sont rendus par la nature ne sont pas pris en compte par l'économie. C'est-à-dire qu'on va juste se contenter, en fait, d'utiliser des capitaux, donc les capitaux humains, donc les travailleurs, les capitaux financiers, les capitaux productifs, donc les moyens de production, pour transformer les ressources naturelles. Alors, à titre d'exemple, je vais vous donner quelques exemples, ça va être plus parlant. Par exemple, le rôle joué par les forêts dans le stockage du dioxyde de carbone. Les forêts jouent un rôle donc, dans le stockage du dioxyde de carbone, l'économie classique ne le prend pas en compte. Autre exemple, le rôle joué par certaines zones humides pour filtrer les pollutions. Pareil, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte par l'économie classique. Donc, ce sont, pour le dire autrement, des services qui sont non marchands, qui sont fournis par la nature. Mais qui sont pourtant indispensables au fonctionnement de l'économie marchande, même si elle ne les reconnaît pas en tant que telle. C'est-à-dire que l'économie capitaliste ne pourrait pas fonctionner sans ces services rendus par la nature, sauf que c'est quelque chose qui est vraiment du domaine du non-marchand. Et du coup, avec l'économie verte, l'idée, ça va être d'intégrer les services rendus par la nature dans l'économie en leur donnant un prix. Et du coup, on va réduire la nature à l'idée de ce qu'on appelle le capital naturel. Ça veut dire que vous aviez, j'ai dit, hein, le capital humain, financier et productif. On va créer un quatrième capital, le capital qu'on va appeler capital naturel. Et donc, l'idée, c'est qu'on va donner une valeur monétaire à ces services qui sont rendus par la nature et comme je disais, pour lesquels l'économie classique ne tient pas compte. Donc, par exemple, les forêts stockent le CO2. Bah, l'idée, ça va être de donner un prix à ce service. Et si je cite justement un des rapports des Nations Unies, donc du programme des Nations Unies pour l'environnement de 2011, le rapport dit donc c'est une citation, hein, je cite, parle donc de démontrer que l'écologisation de l'économie n'est pas un frein à la croissance, mais plutôt un nouveau moteur de la croissance. Autrement dit, il s'agit toujours je cite, de réconcilier croissance et nature. Donc c'est vraiment l'idée de faire de la nature, que l'on réduit à ce moment-là à l'idée d'un capital naturel, d'en faire donc une catégorie économique à part entière, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors je vais essayer d'être plus concret pour vous montrer ce que ça implique, mais l'idée sur laquelle je voudrais quand même insister, c'est le fait que l'économie verte est en partie déjà là, donc ce n'est pas juste un projet qui est débattu à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui est déjà en place, au moins en partie, c'est important de le préciser. Et donc concrètement, je vais vous donner quelques exemples concrets. Donc le premier exemple, c'est l'existence des marchés carbone, dont on entend un petit peu parler depuis quelques temps. Alors le principe des marchés carbone, comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est assez simple en fait. L'idée, c'est qu'il s'agit de fixer, donc c'est la ligne rouge du schéma, il s'agit de fixer tout d'abord des plafonds d'émissions de carbone, donc des quotas à ne pas dépasser. Donc on dit à l'échelle internationale, il ne faut absolument pas dépasser certains taux d'émission de CO2. Et ensuite, ceux qui vont dépasser le quota fixé, donc ici par exemple c'est ce qui est en orange sur le niveau d'entreprise 1 sur le schéma, donc ceux qui vont dépasser ces quotas vont devoir payer le coût de la nuisance en achetant à ceux qui n'ont pas utilisé tous leurs droits à polluer des crédits carbone. Donc en fait, c'est l'exemple de l'entreprise 2 où vous voyez en bleu en fait, ils ont ce qu'ils ont utilisé donc en émission, enfin ce qu'ils ont émis en émission, c'est ce qui est en gris, et la partie bleue donc qui est entre le gris et la ligne des quotas. C'est ça, c'est toutes les économies qui ont été réalisées parce qu'en fait, ils avaient le droit de polluer, ils avaient le droit d'émettre du CO2 jusqu'au quota. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils n'ont pas utilisé, ils le vendent sur des marchés carbone, ils le vendent et du coup, ça va être acheté par des entreprises qui, eux, ont dépassé ces fameux quotas carbone. Et du coup, c'est vraiment l'idée de donner un prix à la nature puisque ici, on donne un prix, on donne une valeur économique au carbone. Qui est, autrement dit, on a une valeur économique à un des les éléments de l'atmosphère. Alors, le second exemple que je peux donner, c'est l'existence de mécanismes de compensation carbone, ce qui est un petit peu différent donc, du premier. Alors, l'idée, c'est on va calculer les émissions de CO2 qui sont émises par une activité, donc une entreprise émet du CO2, on va calculer combien elle émet de CO2, et l'idée, ça va être de compenser ces émissions en finançant une action de lutte contre le réchauffement climatique. Typiquement, ce qui fonctionne le plus souvent, c'est l'idée de replanter des arbres. Donc on va replanter des arbres pour compenser les émissions de CO2 émises. Et en fait, vous avez même des certificats qui peuvent être délivrés par certaines entreprises. Donc ici, voilà, c'est l'exemple typique que vous avez derrière moi, l'exemple typique d'un certificat qui est délivré par une entreprise qui s'appelle The Pure Project. Et vous avez des grosses multinationales qui se font délivrer ces certificats puisqu'elles compensent le carbone émis par leurs activités. Et à titre d'exemple, je pense qu'en ce moment, c'est assez parlant, Vinci, le groupe Vinci, a fait planter 190 000 arbres, en tout cas certifiés par cette entreprise The Pure Project. Il y a plein de multinationales comme Vittel aussi, je crois que c'est 1 million d'arbres qu'ils ont fait planter en compensation de leurs activités. Autre exemple aussi d'économie verte, aujourd'hui vous avez, alors c'est pas encore très médiatisé, mais vous avez des débats autour de ce qu'on appelle une économie circulaire. Et l'économie circulaire a notamment été débattue lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013 qui avait lieu à Paris. Alors le principe de qu'est-ce qu'une économie circulaire ? Le principe en fait il est assez simple. L'idée c'est que quand on regarde notre économie actuelle, on a une économie qui est linéaire. C'est-à-dire on produit, on consomme et on jette, économie donc linéaire. Et l'idée ici, ça serait de concevoir des modèles de production qui ne seraient pas linéaires, mais qui seraient cycliques et qui s'inspireraient des cycles de la nature. Donc l'idée, pour être concret, ça serait donc de produire, de consommer, de réparer, au lieu de jeter directement, on réparerait, de réutiliser, si quelqu'un ne veut plus l'objet, ben voilà, on le remet dans le circuit économique, on le réutilise. Et en dernier ressort, quand on ne peut plus réutiliser l'objet, de se servir de nos objets inutilisables et d'en faire des matières premières pour fabriquer de nouveaux objets de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on jette, à la fin du cycle d'un produit, le produit est jeté, et là, l'idée, c'est qu'on ne jette plus le produit, mais on crée un produit à la base qui pourra servir par la suite à fabriquer de nouveaux objets à la fin de son cycle de vie. Et donc, l'idée, c'est que plus rien ne serait censé donc se perdre, tout déchet devenant une nouvelle matière première à intégrer dans les cycles de production. Alors aujourd'hui, c'est évident que ça reste à l'état de projet, même si c'est quand même de plus en plus débattu. Mais même si ça reste à l'état de projet au niveau global, vous avez quand même des entreprises, notamment américaines, mais aussi européennes, qui commencent à s'y mettre, qui sont déjà engagées dans ce processus. Donc, je n'ai pas forcément le temps de développer sur le type d'entreprise qui développe ce type d'économie circulaire, mais je pourrais éventuellement répondre à quelques questions tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous avez des fondations qui défendent cette économie circulaire, et notamment une fondation qui s'appelle la fondation Ellen MacArthur, donc du nom de celle que vous avez vue tout à l'heure dans une pub qui faisait du greenwashing. Donc, c'est intéressant parce que vous avez quelqu'un, donc Ellen MacArthur, qui fait à la fois du greenwashing avec Renault, et puis qui fait aussi la promotion de l'économie circulaire qui va bien au-delà du greenwashing. Et puis vous avez aussi la mise en place d'écotaxes, c'est aussi d'actualité. Donc ça c'est le principe vraiment du pollueur-payeur. Et l'idée en fait c'est qu'on va internaliser dans le prix du produit les coûts provoqués par la pollution. Et du coup c'est censé amener les consommateurs à mieux choisir les produits qu'ils achètent. Alors, de manière plus générale, parce que là je suis dans les exemples, de manière plus générale, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'économie verte, contrairement au greenwashing, permet vraiment la création de nouveaux marchés économiques. Ou alors, quand ce n'est pas la création de nouveaux marchés, ça permet de segmenter certains marchés. C'est typiquement l'exemple de l'alimentation biologique. Vous avez déjà un marché qui est celui de l'alimentation. Et en créant l'alimentation biologique, on segmente un marché et on crée une nouvelle niche au sein de ce marché. Et tous ces mécanismes donc, de l'économie verte en fait, reposent sur l'écologie de marché. Et en fait, l'idée, c'est cette écologie de marché, il s'agit de la réguler à travers les mécanismes comme la taxe carbone, comme les mécanismes de compensation carbone que j'ai eu l'occasion de développer jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment une idée d'une économie de marché régulée. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à cette économie verte, ce n'est pas uniquement de s'en tenir à nos points de vue, à nous, chercheurs du Nord. C'est aussi intéressant de regarder ce que disent les chercheurs du Sud sur cette problématique. Et du coup, vous avez des travaux qui sont assez critiques aujourd'hui. Et je pense notamment à un sociologue vénézuélien qui s'appelle Edgardo Lander et qui souligne à quel point l'économie verte, je le cite donc, l'économie verte ne remet pas en cause la logique capitaliste de l'accumulation et le modèle de la société industrielle comme cause fondamentale de la destruction de l'environnement. Et en fait, lui souligne aussi que ce modèle donc de l'économie verte ne remet pas non plus en cause les structures de pouvoir à l'échelle mondiale, ni les rapports d'exploitation qui sont en place aussi à l'échelle mondiale, et pas plus la logique du libre marché. Et puis, vous avez aussi donc d'autres chercheurs, je pense là plutôt à des chercheurs philippins, donc Pio Verzola et Paul Quintos, qui eux parlent, au sujet toujours de l'économie verte, d'une, je cite, « colonisation continue de l'écologie par l'économie de marché ». Et tout au mieux, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette gestion optimisée des ressources, parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée, hein, je ne sais pas si vous avez bien senti ça, mais l'idée, c'est vraiment en disant il n'y a plus de déchets grâce à l'économie circulaire, l'idée, c'est de dire, bah, finalement, toutes les ressources qu'on utilise dans l'économie, on va optimiser cette gestion des ressources, voilà, pour plus perdre et pour vraiment que les matériaux puissent être utilisés, réutilisés, recyclés un maximum de fois. Et donc, l'idée, c'est que cette gestion donc optimisée des ressources, elle pourrait éventuellement permettre au mieux de repousser un temps seulement les limites matérielles dont le capital aimerait bien s'affranchir s'il le pouvait, puisque c'est ça un petit peu qui est derrière la crise aujourd'hui écologique notamment. Et donc en définitive, il s'agirait de soumettre l'écologie aux impératifs de la logique d'accumulation illimitée du capital. Pareil, on pourra avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et en fait, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est de savoir jusqu'où peut aller cette financiarisation de la nature, puisque c'est, je vous disais tout à l'heure, hein, l'économie verte, c'est vraiment l'idée de donner un prix à la nature ou à des services rendus par la nature, ce que ne faisait pas l'économie classique avant. Et aujourd'hui, on peut vraiment se poser des questions par rapport à cette financiarisation de la nature, puisque si on prend simplement en exemple le dernier sommet environnemental qui avait eu lieu, qui s'appelait donc le sommet Rio+20, qui s'était tenu en juin 2012. Lors de ce sommet, vous avez 40 institutions financières privées, donc des banques, des assurances, des investisseurs, qui ont lancé une déclaration sur le capital naturel, hein, donc capital naturel qui est l'expression phare de l'économie verte, afin, je cite donc, de tendre vers l'intégration des considérations liées au capital naturel dans les produits et services financiers. Et voilà, juste pour préciser aussi que cette déclaration a été soutenue aussi par certaines ONG, comme notamment le WWF que vous connaissez très certainement. Voilà, donc à l'écran, vous avez, donc je ne rentre pas dans le détail, mais en France, vous avez la Caisse des dépôts notamment qui a soutenu cette initiative, cette déclaration sur le capital naturel. Alors, une fois qu'on a dit un petit peu quelle était cette économie verte, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder aussi comment ça se passe en pratique et de voir plus précisément quels sont les acteurs qui sont concernés par cette économie verte et surtout qu'est-ce qu'ils font en pratique dans l'économie verte. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez dans les années 90 une sorte de mouvement, entre guillemets, je dis sorte de mouvement puisque c'est assez disparate, mais vous avez quand même une sorte de mouvement qui va commencer à se constituer et faire la promotion donc de cette économie verte. Et ce mouvement, pour être assez concret, il va rassembler des acteurs assez multiples, alors notamment des entreprises, des grosses multinationales ou des entreprises beaucoup plus petites, mais aussi de grosses fondations nord-américaines et certaines ONG ou associations. Et donc ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Ces fondations nord-américaines ont vraiment une place assez importante dans cette économie verte, puisque vous avez au moins 5 des 10 plus grosses fondations nord-américaines qui ont déjà financé ce lobby ou qui continuent à le faire aujourd'hui. Et la majorité des autres fondations nord-américaines, notamment qui continuent à financer aujourd'hui ce mouvement, font partie des 100 plus grosses fondations nord-américaines, selon les classements qu'on peut trouver. Alors parmi ces fondations, et là ça va nous permettre sûrement d'articuler un petit peu nos deux interventions, c'est qu'on va prendre un exemple avec Cécilia qui va nous permettre aussi d'interroger le rôle des ONG, puisque c'est intéressant de regarder ce qui se passe à une échelle macro, macro-sociologique, un petit peu de voir ce qui se passe au niveau des entreprises, des fondations, etc. Mais c'est aussi intéressant de voir comment les ONG, qui sont normalement issues de la société civile, rentrent aussi en lien avec ces fameuses économies vertes. Du coup, on va partir d'un petit schéma. Alors, pour vous montrer que effectivement tout est lié entre nos deux présentations, moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail du Sud et en particulier du Brésil. On a sur ce schéma en fait les deux ONG dont je vais vous parler beaucoup, l'Instituto Raoni, qui est une ONG brésilienne, Planète Amazon, qui est une ONG française. Vous les avez en bas du schéma. Et Amazon Watch, qui est une ONG américaine. Ces trois ONG fonctionnent en partenariat. Et en fait, si on fait un petit peu le montage financier pour retrouver d'où viennent leurs fonds, et ben, comme par hasard, on arrive aux deux grosses fondations américaines, Ford Foundation et Rockefeller Brothers Fund. Gwenaël a retrouvé les chiffres, alors il peut peut-être nous les donner sur la campagne de 2012. Alors donc les chiffres, c'est donc la Fondation Ford, en fait, donc en 2000, donc là c'était 2013, mais donc en 2013, la Fondation Ford a versé $200,000 au Rainforest Action Network, donc symbolisé par la panthère, en sachant que cette fondation fait partie, je crois que c'est juste, des 10 plus grosses fondations nord-américaines qui financent l'économie verte, donc c'est une fondation assez majeure. Et la deuxième fondation, donc le Rockefeller Brothers Fund, a versé $100,000 toujours Rainforest Action Network en 2013 et, si je remonte un peu plus dans le temps, $600,000 depuis 2005. Et je précise juste que peut-être que vous connaissez le nom Rockefeller, mais cette fondation, en fait, elle est liée à la famille du milliardaire américain David Rockefeller, qui est une fondation qui est vraiment omniprésente derrière ce qu'on pourrait appeler ce lobby de l'économie verte et qui finance, qui donne un quart en gros de ses dons à ce qu'on peut appeler le développement durable dans sa globalité. Alors, ce qui est intéressant, en fait, de regarder, c'est que sans refaire cette espèce de maillage pour remonter aux grosses fondations, les grosses fondations, elles apparaissent jamais, en fait. Si vous cherchez sur le site de Planète Amazon, de l'Institut Raoni ou sur le site d'Amazon Watch, vous n'allez jamais voir de mentionner ces grosses fondations. Pour refaire, en fait, ce montage financier, il faut obligatoirement qu'on repasse par le réseau Rainforest Action Network. Et donc, ça fonctionne un petit peu sur le modèle des sociétés écrans pour les paradis fiscaux. Vous avez vraiment du mal à remonter le maillage. Mais bon, en creusant, on finit par retrouver effectivement l'origine des principaux financements. Alors, on a les chiffres aussi pour ce que Rainforest Action Network reverse à l'Institut Raoni et à Amazon Watch. On n'a pas les chiffres pour Planète Amazon. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce qu'ils ne sont pas très transparents sur la comptabilité, mais surtout parce qu'ils viennent juste de se créer. Donc, on va leur excuser le manque de transparence peut-être par rapport au fait qu'ils sont tout jeunes. En tout cas, on peut imaginer que si l'ONG brésilienne et l'ONG américaine sont toutes les deux financées, a priori, l'ONG française, il y a peu de raisons qu'elle échappe à ce système qui, on le voit bien dans cet exemple, a vraiment une dimension mondiale. Oui, je voulais juste compléter pour dire qu'en fait, donc Cécilia a parlé de montage financier, un petit peu comme les paradis fiscaux. En fait, ce qui est important de préciser, c'est que ces fondations, on les voit souvent pas en fait derrière les ONG, pour une raison toute simple, c'est que y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez les partenaires qui eux ont vocation à être affichés, puisqu'en fait, quand vous êtes partenaire d'une association, ce qu'on appelle aussi le sponsoring, c'est vous versez une somme d'argent en contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. En contrepartie d'une prestation de communication, de publicité. Donc, quand vous voyez une ONG qui a un partenaire, le logo, c'est normal qu'il soit affiché, puisque dans le principe du partenariat, vous avez bien cette publicité qui, normalement, doit être assurée pour l'entreprise en question. Par contre, le partenariat, donc ce n'est pas le cas ici pour les fondations. Les fondations, en général, ce n'est pas du partenariat, c'est du mécénat d'entreprise, donc ce qu'on appelle aussi le don, effectué par les entreprises à des ONG. Et là, c'est normalement, le don, c'est beaucoup plus ambigu, puisque vous pouvez percevoir des dons de la part de fondations et en même temps revendiquer votre indépendance. Puisque le don, par définition, normalement, ne doit pas supposer une contrepartie. Il ne doit pas y avoir de contrepartie, normalement, à travers le don. Voilà, donc du coup, vous avez des ONG qui perçoivent des dons de fondations, de grosses fondations, et qui revendiquent leur indépendance. Et juste pour finir là-dessus, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécénat d'entreprise, donc cette idée du don, c'est quand même extrêmement ambigu, puisque même s'il s'agit officiellement d'un don, vous avez toujours, comme le dit, alors là, je vais citer l'ancien président de Cartier, Alain-Dominique Perrin, qui nous disait que dans le mécénat, donc cette histoire de don, hein, il disait, je cite, « L'entreprise recherche indiscutablement son intérêt. » Alors vous avez notamment, on pourra en parler tout à l'heure, mais vous avez des intérêts notamment au niveau fiscal, puisque quand vous faites des dons, vous avez des exonérations au niveau de vos impôts. Mais voilà, on peut quand même se demander si la seule raison vraiment qui explique ce soutien des fondations à certaines ONG. Et juste pour terminer, pour vous dire que voilà, il faut bien comprendre que les donateurs, on ne les voit jamais en général, ils ne sont jamais visibles derrière les ONG, à la différence des partenaires. Alors justement, puisqu'on parlait des financements en fait des ONG, on a pris un petit exemple tiré du dernier rapport d'Amazon Watch, donc l'ONG américaine dont on parlait, juste pour vous montrer rapidement que effectivement les recettes d'Amazon Watch, ils nous le disent, hein, c'est écrit noir sur blanc sur le rapport, à 48% les fonds qu'ils utilisent viennent de dons ou de mécénat des fondations. Voilà, vous avez le reste du graphique avec 27% pour les individuels, 6% des entreprises. Bon, ce qui est surtout intéressant, c'est d'insister sur le fait qu'effectivement, la majeure partie des recettes viennent de ces fondations. C'est aussi intéressant de regarder les postes de dépenses, parce que sur les postes de dépenses, ce que nous dit Amazon Watch, c'est qu'en 2012, par exemple, 64% de ces dépenses ont servi à financer des campagnes et des programmes. Alors, on ne sait pas quelle part la campagne occupe dans ces 64% et quelle part les programmes occupent. C'est un peu dommage, mais parce que c'est des grosses campagnes publicitaires, hein, on va revenir dessus. Bon, ce qui est flagrant, c'est de voir que 16% seulement de leurs dépenses vont directement aux groupes amazoniens qui prétendent soutenir. Alors, on peut imaginer que les programmes sont construits en collaboration, et il faut espérer que les programmes sont construits en collaboration, mais c'est quand même assez gênant quand on regarde de plus près les chiffres. Alors, je suis désolée, du coup, on a eu un problème avec la présentation, vous avez préparé un super truc dynamique, ça ne marche pas, du coup, je suis obligée de passer à l'autre. Du coup, ça nous oblige, nous, à être dynamique. ah, merde. Voilà, donc je reviens sur donc l'exemple que je vais développer. Il s'agit d'une campagne qui s'est intitulée Urgence Amazonie Europe 2012, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a été menée en collaboration entre deux ONG, l'Instituto Raoni, qui est donc l'ONG brésilienne, et Planète Amazon, qui est, on va dire, sa filiale française. Alors, j'utilise le terme filiale, c'est peut-être un peu ironique, mais voilà, ce petit document pour vous montrer que, en fait, les deux ONG sont liées entre elles par des documents juridiques très précis. C'est pour vous dire que ce n'est pas improvisé, hein, qu'on est vraiment dans le cadre d'un système qui est extrêmement précis et extrêmement installé. Donc il y a des documents en fait, qu'on peut retrouver sur le site de l'Instituto Raoni, qui sont des documents d'autorisation, des licences, qui reprennent les codes de la propriété intellectuelle, qui stipulent que l'Instituto Raoni autorise l'ONG Planète Amazon à utiliser à titre exclusif le nom et l'image du cacique Raoni. Voilà, donc on est vraiment sous les codes de la propriété intellectuelle et les codes habituels derrière lesquels on met la publicité. Alors cette campagne, elle a été menée en collaboration avec différents partenaires, d'autres ONG, donc Robinhood, Environmentalist, qui sont des ONG allemandes, le fonds d'aide aux peuples autochtones, qui est un fonds néerlandais, la Société pour les peuples menacés, qui est une ONG suisse, Amazon Watch, dont on a parlé, et la Fondation Nicolas Hulot pour la France. En fait, ce schéma qui résume les partenaires qui gravitent autour de cette campagne, il est encore très largement incomplet parce qu'on pourrait s'amuser à refaire le même petit exercice de recherche des différents partenaires et puis remonter jusqu'au grand, hein, aux grandes fondations dont on a vu tout à l'heure qu'il n'est pas évident de remonter jusqu'elles pour chacun, hein, de ces différentes ONG. Alors, je me suis amusée à le faire pour la Fondation Nicolas Hulot. Je n'ai pas tout listé, mais on va faire un petit effet de saturation de logo, histoire que vous compreniez bien tout ce qu'il y a derrière. Bah, par exemple, on peut rajouter autour de la Fondation Nicolas Hulot des partenaires institutionnels. L'ADEME, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, mais aussi des entreprises, SNCF, Ibis, Le Sieur, Vinci, mais aussi des partenaires fondateurs, L'Oréal, TF1, etc. etc., etc. Je ne vais pas le faire pour tous, c'est juste histoire de... d'insister. Alors, ce que je vous propose pour qu'on développe un petit peu plus le thème de cette campagne, c'est de regarder à nouveau un petit spot publicitaire qu'on va décrypter ensemble ensuite. Donc, c'est un spot publicitaire qui a été lancé. J'espère que vous allez entendre. Alors j'en profite tout de suite pour commenter que voilà, là on nous présente deux logos, hein, Planète Amazon, Amazon Watch. Vous voyez qu'il en manque pas mal en fait, on pourrait leur demander d'en rajouter pas mal dans le clip. Je vais juste commencer par signaler que le clip il a été réalisé par Jean Kounen, qui est un réalisateur et cinéaste français qui a énormément travaillé dans la publicité avant de se tourner vers le cinéma, et dont le dernier film revient un peu vers la publicité puisqu'il a travaillé sur Coco Chanel. Bon, c'est juste... pour dire que les images ne sont absolument pas issues du monde amateur, hein, c'est un grand professionnel de la manipulation de l'image qui réalise ce clip, et avec l'appui donc de Vincent Cassel, que vous avez sans doute reconnu dans le clip. Ça, c'est un aspect intéressant, et je vais redonner un petit peu la parole à Gwenaëlle sur l'utilisation en fait, de réseaux très puissants pour soutenir ces campagnes. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'ONG environnementalistes, notamment, mais pas que, utilisent ce que la Fondation Nicolas Hulot appelle des ambassadeurs, parce que c'est comme ça qu'eux les nomment, c'est-à-dire des personnalités connues, par exemple des scientifiques, des acteurs, des chanteurs, des sportifs, etc. etc. Et en fait, on va un petit peu analyser ce qu'on peut voir derrière, c'est que la capacité en fait, de faire appel à des personnalités, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, c'est quand même intéressant de voir que d'une ONG à l'autre, ce sont souvent les mêmes personnalités qui reviennent. Du coup, cette capacité de faire appel à des personnalités, elle renvoie à l'existence de réseaux, notamment sous la forme de think tanks, qui sont des sortes de clubs de réflexion qui regroupent des experts, donc des clubs qu'on ne voit pas nécessairement dans l'espace médiatique. Donc ça renvoie non seulement à l'existence de réseaux, mais aussi à une certaine proximité sociale qui existe entre certains dirigeants d'ONG et ces personnalités. Chose que ne perçoit pas forcément le militant, par exemple, d'une ONG ou d'une autre ONG. Et en fait, moi, ce que j'ai pu voir sur mes terrains en région parisienne, même si je ne vais pas le développer là, c'est que dans certains clubs élitistes, Vous avez ces personnalités qu'on peut parfois retrouver avec certains acteurs majeurs de certaines ONG, donc des dirigeants d'ONG qui côtoient ces fameuses ambassadeurs et qui du coup se fréquentent dans une sorte d'entre-soi qui passe relativement inaperçu à la fois aux yeux du grand public et à la fois aux yeux du militant lambda de telle ou telle association. Alors, juste pour commenter brièvement le clip, je voudrais insister sur l'aspect dramatique. Hein. Je pense que juste le signaler, ça suffit. On joue vraiment sur l'émotion, on nous montre la forêt qui brûle, on nous montre les Indiens, on nous montre les animaux, l'arrêt sur la tortue, etc. On nous assomme aussi de mensonges. Le premier mensonge qu'on nous présente, c'est qu'on nous présente tout de suite l'Amazonie brésilienne comme équivalente aux Indiens. Or, en Amazonie, il n'y a pas que les Indiens. En Amazonie, au Brésil, il n'y a pas que des Indiens. Donc déjà, ça, c'est un petit peu problématique. Un autre mensonge qu'on nous présente, c'est la forêt qui serait encore vierge. Vincent Cassel nous parle du cœur encore intact de la forêt amazonienne. Bon, la forêt amazonienne, au Brésil, elle est habitée depuis très très longtemps par des humains, donc elle n'est absolument pas vierge, comme il nous le présente dans le clip. Un autre élément qui est un peu dérangeant, c'est le message à facette de l'activisme politique. Quand Vincent Cassel nous dit « trop d'entreprises françaises sont impliquées », bah ouais, enfin, on aurait pu les citer peut-être, ou mettre les logos à la fin pour dire du coup lesquelles éventuellement étaient présentes dans la campagne et lesquelles étaient... Enfin, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus complexe. Et enfin, ça c'est... La fin du message, c'est cette injonction à agir. Il faut agir, cette cause est la leur, est la nôtre. Soutenez le combat du chef Raoni. Ce qu'on ne nous dit pas dans le clip, c'est que le soutien auquel cette campagne appelait, c'était un soutien qui était exclusivement financier. L'appel à compétences qui avait été lancé, et moi j'y ai répondu, j'ai servi d'interprète au cacique Raoni, l'appel à compétences, c'était « mettez vos compétences au profit de cette campagne ». Donc, si vous avez des sous, donnez des sous. Si vous avez d'autres compétences, alors c'est pas n'importe quelle compétence, on pourra revenir là-dessus dans les questions, mais par exemple, quand ils appellent à former un pôle recherche et plaidoyer, ils cherchent des diplômés de master niveau sciences politiques, ils cherchent des experts en ceci, en cela. Enfin bon, mettez vos compétences, mais c'est pas n'importe quelle compétence non plus. Puis bon, vous ferez du bénévolat, hein, bien entendu. Voilà, donc cette injonction à agir et à soutenir financièrement le combat de Raoni. Alors, je voudrais maintenant revenir sur quelques éléments de contexte en ce qui concerne en fait la rencontre entre le mouvement indigène brésilien et le secteur non gouvernemental et en particulier les causes écologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, les indigènes, ils ont toujours été considérés comme des citoyens de seconde zone. Hein, les différents gouvernements leur ont toujours laissé cette place. Et aujourd'hui encore, ce sont des individus qui sont placés sous la tutelle d'un organe fédéral qui s'appelle la FUNAI, qui est la Fondation Nationale de Soutien à l'Indien, et qui s'occupe, qui a été créé pendant la dictature militaire, et qui s'occupe comme s'occupait auparavant l'organe qui avait été créé pour s'occuper d'eux, le SPI, donc le Service de Protection à l'Indien, qui s'occupe en fait de les intégrer à la société nationale en les faisant participer soit à des projets de développement tels que l'extraction minière ou l'exploitation du bois précieux, pour certaines époques, hein, aujourd'hui ça c'est plutôt révolu, et puis encore avant, par exemple, en organisant l'aldeamento, qui était la sédentarisation des Indiens et leur installation dans des villages qui étaient gérés par des missionnaires religieux. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si... aujourd'hui c'est plus le service de protection à l'Indien qui s'occupe des Indiens, la FUNAI a exactement le même objectif, c'est intégrer les Indiens à la société nationale. À partir du milieu des années 1980, le Brésil vit sous le joug d'une dictature militaire de 1964 à 1985, donc en 1980 on est encore pendant la dictature. Mais en 1980, commence à s'installer une critique de plus en plus ferme de la part de la société civile du régime dictatorial. Les Indiens, eux, ils n'ont pas cessé leurs revendications, mais c'est dans ce contexte de crise de légitimité que leurs paroles et leurs préoccupations vont être entendues. Parce que leur situation va servir finalement d'emblème au mouvement qui conteste la dictature. On considère que la situation qu'ils vivent est une preuve criante de la démocratie qui est bafouée. Donc c'est dans ce contexte que leurs revendications connaissent un écho plus favorable. En 1988, le Brésil adopte une nouvelle constitution Dans cette nouvelle constitution, le principe de droit différentialiste est accordé aux Indiens. Alors, je vais souvent utiliser le mot indien ou indigène. Vous vous inquiétez pas, vous les considérez comme équivalents. C'est qu'au Brésil, pour parler des Indiens, on parle plus des indígenas et pas des indios. Mais il faut les considérer comme équivalents. Donc, il y a des droits qui sont concédés aux populations indigènes. Et ces droits, ils vont être par la suite étendus aux populations quilombo, là, qui étaient les descendants des esclaves qui avaient marronné des plantations pendant l'esclavage, et aux populations dites traditionnelles. Alors ça, c'est une nomenclature juridique qui est créée à ce moment-là, qui inclut, par exemple, les ribeirinhos, qui sont les habitants des bords des fleuves, ou les seringueiros, qui étaient ces habitants qui vivaient de l'exploitation du caoutchouc. Donc, population traditionnelle, ça regroupe tout un tas de populations différentes. Alors, l'instauration de ces droits, elle ne va pas changer fondamentalement, elle ne va pas être suivie de changements fondamentaux pour ces populations. Par exemple, sur la question des délimitations territoriales, les démarches, elles sont extrêmement ralenties par l'aspect bureaucratique extrêmement coûteux et complexe que supposent ces délimitations. En 2011, pour vous donner un exemple, pour des milliers de procédures en cours, il y a un titre de propriété qui a été concédé à une communauté quilombo par la présidente Dilma Rousseff. Donc, aux revendications territoriales, dont on voit qu'elles sont loin d'être résolues, vont se rajouter pour les communautés indigènes qui ont obtenu leur territoire, comme c'est le cas des Kayapo, qui obtiennent leur territoire entre 1989 et 1991, vont se rajouter les revendications qui concernent la suppléance des services indigénistes étatiques, c'est-à-dire, par exemple, l'accès à la santé, à l'éducation, qui relèvent donc des compétences de la FUNAI. On voit bien que l'État brésilien est toujours réticent à faire appliquer le droit. Et ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui. La fin des années 1980, elle coïncide aussi avec la médiatisation mondiale des questions environnementales. Le secteur non gouvernemental va s'emparer de la critique du développement, en lui conférant une définition plus proche de l'idée de développement durable, dont vous a parlé tout à l'heure Gwenaël. Là, on est au moment, pour refaire un peu la chronologie, on est au moment des rencontres de Rio en 1992, du premier sommet de la Terre. Et donc, les projets dits durables ou responsables qui sont menés sous couvert de soutien aux peuples autochtones et de préservation de l'environnement ne désignent souvent rien de plus qu'une habile conciliation qui vise à maintenir le système capitaliste, tout en prétendant en avoir supprimé les travers. Alors, depuis les années 1990, les ONG nationales et internationales, notamment donc liées à la défense de l'environnement, se multiplient et ne cessent d'accroître leurs projets de coopération avec le mouvement indigène. Entre-temps, le mouvement indigène, lui, il s'est aussi organisé pour répondre à ce contexte. Il y a énormément d'associations indigènes qui voient le jour, comme l'Instituto Raoni, qui va être formalisé en 2001, mais dont d'autres formes d'associations préalables avaient précédé. Mais il n'est jamais question, cependant, de s'intéresser... Et aujourd'hui, on assiste encore à ce que Turner, qui est un anthropologue américain qui est spécialiste des Kayapo, dont je vais vous reparler tout à l'heure, qualifiait de « nouvelle cosmologie » éco-gestionnaires dont les Indiens de l'Amazonie, symbole classique de l'état de nature, fournirent la caution emblématique. Donc ce qu'il faut voir là, c'est qu'il y a une instrumentalisation ou une mystification des peuples indigènes qui repose sur un malentendu entre deux domaines ontologiques divergents, c'est-à-dire deux manières de concevoir le rapport au monde. Et c'est un malentendu qui peut être facilement expliqué avec l'exemple des Kayapo. Donc je vais m'attarder un peu là-dessus. Donc les Kayapo, ils ont été successivement désignés comme les vilains ou les héros de la cause écologique, sans qu'il ne soit jamais question de s'intéresser à leur manière de concevoir le rapport à l'environnement, au monde dit naturel. Alors je prends l'exemple des Kayapo, mais il serait tout à fait possible de faire cette même démonstration avec d'autres groupes. Là, c'est parce qu'on parle de la campagne que du coup je me permets de développer leur exemple. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il aurait été possible de se demander si l'écologisme, finalement, est-ce que ce n'était pas un produit ethnocentrique de la culture occidentale, c'est-à-dire une préoccupation qu'on avait construite à partir d'un point de vue qui nous est propre et qui n'est pas forcément partagé, en tout cas pas avec les mêmes niveaux de sens, par d'autres populations. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas exister d'autres manières, du coup, de penser l'écologie dans lesquelles nature et culture ne constitueraient ni des entités séparées, ni des entités qui seraient supérieures ou inférieures l'une à l'autre, hein ? Donc, du coup, des manières autochtones de penser l'écologie. Alors, Raoni, il est à droite, là, sur la photo, et Payakan, qui est au milieu, sont les deux classiques, on va traduire ça un petit peu grossièrement, mais on va traduire ça par chef, Kayapo, qui sont les plus médiatisés et qui bénéficient d'un large soutien à l'international, notamment par le biais de l'intervention de célébrités comme Sting, hein, le chanteur Sting, que vous voyez là sur la photo, ou le cinéaste James Cameron, par exemple, plus récemment, avec la sortie du film Avatar. On présente encore aujourd'hui Raoni comme le héros de la cause écologique. Donc Raoni était l'emblème de la campagne de 2012. Ce serait donc en quelque sorte un bon sauvage écolo, avec plein de guillemets. Vous comprendrez bien que je suis ironique. Payakan, avant lui, avait été présenté aussi de cette manière. Et pourtant, il va y avoir un retournement de situation. Son image va être complètement ternie par un scandale qui éclate dans les années 90. Payakan est en effet accusé, et c'est vérifié, de corruption et d'exploitation de bois et de minerais. Les Kayapo ont donc été présentés, y compris par les scientifiques, soit comme des êtres pour qui la défense de l'environnement était innée ou naturelle, donc c'est l'idée du bon sauvage écolo, soit comme des êtres qui avaient développé une science, une véritable science éco-gestionnaire du milieu naturel, soit comme des êtres totalement dépourvus de conscience écologique et de véritables ennemis de la nature impliqués dans des systèmes d'exploitation des ressources forestières. Ces caciques Kayapo, ils ont été découverts par le grand public lors d'une réunion qui a eu lieu en 1989 à Altamira, qui a été le premier sommet indigène organisé par le mouvement indien et à l'initiative des Kayapo, au cours duquel ont été conviés des journalistes, des politiques, des entrepreneurs et professionnels des ONG du monde entier. Le but avoué de ce sommet, c'était de forcer les représentants brésiliens, enfin du gouvernement brésilien et de la Banque mondiale, parce qu'à cette époque-là, la Banque mondiale était encore dans le projet, et les compagnies qui étaient impliquées dans des projets de construction de barrages, dont les plans, à l'époque, étaient encore secrets. Et donc le but, c'était de faire avouer les représentants et les entreprises sur ces plans et sur les conséquences que la construction de ces barrages pouvait avoir sur les habitants et sur l'environnement. De l'extérieur, vous comprenez bien qu'il est difficile de percevoir autre chose qu'une grande tribune de discussion écologique. Pourtant, pour les indigènes, la signification de ce sommet était d'un tout autre ordre. Le sommet visait à réunir plusieurs groupes, dont le seul vocabulaire commun, étant donné qu'ils sont dispersés sur un territoire immense et qu'ils parlent des langues différentes, était le partage de certains rituels. Ainsi, la rencontre a été présentée aux indigènes comme une célébration commune de la cérémonie du maïs nouveau qui d'habitude se célèbre dans chaque village. Là, on proposait du coup de la mettre en commun. C'est comme ça que ça a été présenté aux indigènes. Ce rituel indigène, qui illustre l'indépendance, l'interdépendance entre les rites qui ponctuent la vie des humains et des non-humains, permettait de retraduire la préoccupation écologique occidentale dans des termes autochtones, c'est-à-dire sans opposer nature et culture, mais au contraire dans une profonde identification collective entre les êtres humains et le milieu naturel. On pourra en parler, si ça vous intéresse, un peu plus en détail de ce rite, mais il faut vraiment retenir cette idée-là. C'est un rite qui ponctue la vie à la fois des hommes et des non-humains, et c'est justement pour ça qu'il a été choisi. Alors l'ironie de l'histoire, elle réside vraiment dans cette divergence conceptuelle et dans cette grande ingéniosité finalement dont ont fait preuve les indigènes qui ont réussi à jouer de différents niveaux de sens. Il y avait une posture officielle, publique, bien articulée sur la politique des Occidentaux et le discours écologique, et une posture officieuse, privé, qui était tiré d'expressions culturelles kayapo. Alors, s'il y avait aussi une difficulté de percevoir ça, c'est parce que la posture officielle, elle est exprimée en portugais, et que la posture officieuse, elle était exprimée non pas en langue indienne ou en langue indienne au pluriel, mais elle était exprimée dans le rituel, en fait. C'était une expression vraiment culturelle. Le malentendu, c'est ce double sens qui a échappé aux sympathisants non indigènes. Il avait déjà été pressenti, ce malentendu, parce que quand les indigènes ont annoncé la date à laquelle ils voulaient faire ce sommet, c'est-à-dire au mois de février, les sympathisants ont été très étonnés et se sont montrés perplexes, parce que février, c'est la saison des pluies au Brésil, et ils se sont dit que c'était vraiment pas le bon moment pour essayer de faire converger beaucoup d'Indiens vers Altamira, que ça allait être compliqué à organiser. Et pourtant, on voit bien que ça avait du sens, parce que c'était que ça tombait au moment du calendrier rituel de célébration de la cérémonie, mais ça, ça a échappé aux sympathisants non indigènes. Et ils auraient pu aussi s'étonner, par exemple, ou même pire, s'offusquer, de l'acte symbolique qui a été réalisé par les indigènes au cours de ce sommet, qui donc était perçu de l'extérieur comme un sommet écologique. L'acte symbolique qui a été réalisé, c'est l'abattage d'un grand arbre en forêt. Alors, on peut considérer, comme le fait Turner, donc cet anthropologue américain qui est spécialiste des kayapos dont je vous ai déjà parlé, que les kayapos ont fait preuve d'une capacité d'adaptation économique, je cite, pour garantir leur reproduction sociale et leur autonomie politique dans un nouveau contexte marchand. Ils ont joué de toutes les options stratégiques possibles, du pillage écologique au développement durable, en version associative ou managériale, nationale et ou internationale, en passant par le recyclage de quelques fonds publics. Alors moi, je voudrais attirer votre attention sur les limites et les risques que peuvent constituer l'association ou les associations fictives entre la cause écologique et la cause indigène. Donc on a vu que déjà, les relations entre indigènes et occidentaux se caractérisent par un non-partage ou un certain non-partage de codes culturels, symboliques et ontologiques. C'est ce que certains auteurs, par exemple, comme Sylvie Poirier, désignent par l'expression de dépolitisation de la culture. Alors, c'est dire que la culture, en fait, dans cette acception, elle se trouve réduite à une série d'expressions et de manifestations qui sont tolérées et tolérables, qu'on a donc jugées présentables. Hein. Donc, finalement, les différences culturelles reconnues, elles sont superficielles. Il s'agit d'une expression de la différence qui est contrôlée et inhibée. Il n'est aucunement question de remettre en cause l'ordre social ou moral dominant, ni les principes ontologiques et épistémologiques qui dominent. Alors, c'est ce qui va m'amener à poser en fait la question suivante. Que signifie le fait que l'identité et la différence dans ce contexte deviennent des valeurs marchandes, un peu à l'image de ce dont on a parlé tout à l'heure, de la marchandisation des éléments naturels. Je vais tout de suite illustrer mes propos par une petite vidéo. Il s'agit d'une vente aux enchères, qui est un temps fort de la campagne Urgence Amazonie qui a été menée donc l'année dernière par l'ONG Planète Amazon, dont vous voyez le carton d'invitation s'afficher derrière moi. Il s'agit, là je vais insister là-dessus, d'une soirée très privée. Alors là on retrouve l'idée de réseau d'entre-soi, hein, et de proximité sociale des personnes impliquées dans l'économie verte. Une soirée très privée pour laquelle l'accès est strictement réservé aux détenteurs de ce carton d'invitation et contrôlé par la présence d'un service de sécurité. C'est donc sous le signe du respect de la respect de la préservation de l'environnement, des droits des peuples autochtones et plus généralement des droits de l'homme que seront vendus aux enchères des objets d'artisanat traditionnel kayapo. Alors je vous laisse regarder la petite vidéo, j'espère que pour le son ça va aller, sinon vous me faites un signe et je commente un peu au micro. Est-ce que vous voyez ? Alors, comment ça va? 150, alors c'est combien si je porte? Alors, le commissaire Priser dit, vous avez ce bâton, vous êtes un chef, commençons très bas, et il fait la mise à prix. 200, bravo. 250. 350 debout. 400. À 400 pour l'instant. 450. Je suis désolée pour la qualité de l'image, mais ça a été fait avec un petit appareil photo. 500. Donc on est déjà à 500 euros. Parce que c'est à la fois une arme, mais en même temps, c'est quelque chose de très pacifique, puisqu'on va aller chercher des trucs sous la terre avec, faire des commentaires. 500 euros, c'est à vous, mon cher, bravo. Alors, faut noter qu'ils se connaissent aussi, ils s'appellent par les prénoms, mon cher, ma chérie. Avec cette coiffe, vous avez l'énergie des oiseaux. Bon, voilà, c'est pour vous donner le ton des commentaires. Comme on n'entend pas très bien, je ne vais peut-être pas laisser plus longtemps. Je pense que vous avez compris la teneur. De toute façon, on va regarder un petit extrait vidéo juste après. Alors, l'organisation de vente aux enchères n'est pas une invention de l'ONG Planète Amazon. L'association Planète Amazon est d'ailleurs une toute jeune organisation non gouvernementale qui a été créée en janvier 2012 suite à la fin de la collaboration entre deux hommes, Gert Peter Bruck, et Jean-Pierre Dutilleux, au sein de l'Association pour la Forêt Vierge. L'Association pour la Forêt Vierge, c'est l'association, l'ONG, qui avait été créée avec Sting en 1989, dont il a été créé plusieurs associations, en fait, l'une aux États-Unis, l'une en France, et je crois qu'il y en a encore une troisième. Donc ça, c'est la version française de cette association. La pratique des ventes aux enchères existait déjà avec cette association, l'Association pour la Forêt Vierge, première ONG qui a travaillé, entre guillemets, avec les Kayapo, dont Gert Peter Bruck était à l'époque le vice-président. Donc, on retrouve donc les mêmes principes de fonctionnement et les mêmes individus qui se partagent dans une entente plus ou moins cordiale, un marché apparemment rentable. Alors, je vais tout de suite vous mettre, pour vous dire que je ne vous raconte pas n'importe quoi, je vais vous mettre une petite vidéo sur ce que faisait l'Association pour la Forêt Vierge. Là, vous allez voir Jean-Pierre Dutilleux. Pour les objets. Ces objets appartiennent à des Indiens, d'accord ? Donc, la mise à prix vous entendez va aller à l'Indien qui a fabriqué cette massue. Donc, la mise à prix va à l'Indien. Ce qui va au-dessus va à l'association. Attention à ne pas le mettre dans le chocolat. Il a fait le fait par le père de Tao. Et les quelqu'un. Ah, voilà, ça c'est le clou de la soirée. Voilà, regardez, c'est magnifique. Ça c'est à mettre sous cadre. À mettre sous cadre pour garder pour les générations à venir. Alors là, c'est pas traduit, mais il lui dit tu vas ramener 60 pour ton père. Il va pas rester beaucoup à l'association. Il lui dit en portugais à l'indien. Moi, j'en ai une qui est estimée à 20 000 euros, à peu près pareil, qui m'a été offerte par Raoni en 89. rappeler qu'il est très difficile de trouver ces choses en France. Ce n'est que parce que ce sont des objets utilisés par les Indiens qui les ont amenés qu'elles ont pu rentrer dans le pays, sinon elles sont interdites. Mais comme ce sont des objets usuels des Indiens, voilà, ils les ont amenés avec eux. Je ne ferai pas de commentaire, tout est dit. 1100. Une fois. Bernard, tu vas aller à 1150? Ah oui. 1150, ok. Alors, tu vas aller à 1200? 1200? 1250? Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, juste pour l'anecdote, donc on voit que cadre et montage, Gert Peter Brook, c'est l'actuel président de Planète Amazon. C'est quelqu'un qui vient du monde de la communication, encore une fois, qui maîtrise parfaitement ses réseaux. Et c'est lui qui met en ligne cette vidéo suite à leur scission. Vous avez vu quand même qu'il dit que c'est pas permis de faire ça, tout ça. Bon, c'est mis en ligne, juste après. Passons. Je voudrais donc insister sur les dérives que cachent ces campagnes. En 1997, Turner se montrait déjà très préoccupé par les alliances qui étaient réalisées entre les ONG et le mouvement indigène. Et il écrivait ceci. Si l'essor actuel des associations d'ethno-développement, alors là il faut entendre ethno-développement comme un synonyme de développement durable, si l'essor actuel des associations d'ethno-développement en Amazonie brésilienne peut sembler prometteur, notamment en regard des années noires de l'indigénisme militaire, il n'en serait pas moins lourd d'effets pervers s'il venait à contribuer à une indexation progressive de la citoyenneté des Indiens sur leur aptitude politico-symbolique à capter les ressources du complexe transnational du développement local durable, ressources qui dès lors se verraient constituées en véritable rente identitaire. Et c'est dans cette perspective que je rejoins Turner et que j'avance que sous couvert de soutien aux peuples autochtones et plus particulièrement à ceux d'Amazonie dans leur combat international contre la déforestation, pour citer l'ONG. L'ONG se fait alors le relais efficace de l'économie verte, un système mondial extrêmement performant qui recycle l'idéologie du développement durable en organisant l'intégration et l'adhésion des kayapos aux valeurs capitalistes. Dans ce système, l'identité autochtone et la culture deviennent alors des marchandises, parmi d'autres, un ethno-business. La dépendance des kayapos à ce système peut à tout moment se retourner contre eux. Ça a été le cas, on en a parlé tout à l'heure, pour Payakan, hein, qui est passé du héros au vilain. Et dans cette alliance, le consentement et la courte vue politique du groupe kayapo semblent avoir remplacé un quelconque projet politique visant à renverser l'ordre établi. Mais les conséquences pour les indigènes vont bien au-delà des kayapos, puisque c'est la modalité d'attribution qui est précaire et inégalitaire des projets qui sont soutenus par les ONG qui pose problème. En effet, les choix sont souvent guidés par une cote identitaire qui est en faveur des peuples amazoniens et qui est parmi eux d'ailleurs des plus traditionnels. Hein. On peut assister alors à un renforcement des stéréotypes liés à l'identité indienne, un comportement qu'on pourrait qualifier de primitivisme. Les indigènes qui ne correspondent donc pas à ces critères, à ces stéréotypes, tels par exemple ceux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans le nord-est du Brésil, se retrouvent alors doublement exclus et vulnérables. Ni l'État, ni le secteur non gouvernemental ne relaient leurs requêtes relatives à l'application des droits. Donc tout ça pour vous dire que, selon mon avis, là ça n'engage que moi et on peut débattre là-dessus, mais il s'agit vraiment d'un des nouveaux visages du colonialisme qui est porté par certaines associations non gouvernementales qui se spécialisent dans la défense de la biodiversité, de l'environnement ou des droits humains. Et si on s'y attarde, je pense que un tel constat ne nous laisse présager qu'un triste horizon ethnocidaire. Voilà. Je vous laisse le débat commencer. Sur des thèmes que nos deux intervenants viennent d'évoquer, mais sur d'autres choses qui sont. Allez-y. moi je voulais simplement venir vers votre exposé. On vous parle d'économie verte compatible avec le capitalisme. On a l'impression, on va vous entendre, qu'il n'y a pas de compatibilité possible entre le système capitaliste tel qu'il est actuellement et soit un développement véritablement durable, c'est-à-dire qui passe par la prise en compte des acteurs et une redistribution équitable, soit par l'économie verte. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que l'économie verte, ce n'est qu'une autre forme de greenwashing. Quoi. Parce que finalement, toutes les organisations font partie du soft power occidental par rapport à un monde dominé, d'après ce que vous avez l'air de dire. Alors, en fait, il y a plusieurs... j'ai parlé d'économie verte en général. En fait, il y a plusieurs tendances dans l'économie verte. Et la tendance la plus radicale, enfin, il y a des tendances plus radicales que d'autres. La tendance la moins radicale, on va dire, ils sont vraiment dans une idée qui n'est pas finalement si éloignée que ça du greenwashing. Et sauf que il y a des, on va dire le cœur du mouvement, les plus radicaux, c'est les entreprises qui ne sont pas forcément des grosses multinationales. Enfin, c'est pas forcément toujours les grosses multinationales. C'est des entreprises qui sont souvent beaucoup plus petites. Et en fait, ce que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, mais c'est que ça cache souvent des luttes de pouvoir en fait au sein des classes dominantes, au sein du monde économique. Et pour un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas énormément de pouvoir à l'heure actuelle, c'est aussi un moyen de se positionner et d'essayer de... En fait, en essayant de faire reconnaître cette idée de protection de la planète par l'économie, du coup, voilà, c'est une manière d'essayer de d'évincer, d'écarter, de prendre des parts de marché à d'autres groupes qui sont implantés depuis beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, hein, qui montrent bien qu'aujourd'hui, il y a des reconfigurations énormes de pouvoir entre multinationales. Je ne parle même pas d'entreprises, hein, de petites entreprises, mais rien que sur les multinationales. À l'heure actuelle, il y a tous les secteurs, ça bouge énormément, même si nous, on ne le voit pas du tout au niveau médiatique, ça ne passe pas, etc. Mais parce que ce n'est pas très visible, mais il y a des reconfigurations énormes. Donc, c'est des enjeux autour des brevets sur le vivant, etc. etc. mais ça bouge énormément, comme le montrent certains travaux. Après, sur la question de la compatibilité, effectivement, enfin oui, cette question elle se pose, mais l'idée en fait c'est de dire quand on regarde par rapport au système capitaliste actuel, quand on regarde comment fonctionne le système capitaliste actuel hein, sur les rapports nord-sud, sur l'économie de marché, etc., on voit qu'il n'y a pas de remise en question de ces principes là. Donc après, moi je peux répondre à titre personnel sur ce que j'en pense, mais c'est plus descriptif pour dire qu'il n'y a pas de remise en question des principes fondamentaux du capitalisme. Et du coup, vous avez aujourd'hui des travaux qui montrent que même si, par exemple, on met en place certains mécanismes carbone ou autres, il y a ce qu'ils appellent, par exemple, l'effet rebond, qui est discuté aujourd'hui. Et en fait, on montre que quand on économise d'un côté, il y a des acteurs qui vont avoir tendance à l'inverse, à redépenser beaucoup plus. Donc du coup, on nous dit, finalement, ça ne fonctionne pas parce que ces principes de régulation du marché ont leurs limites et fonctionnent très très mal. Voilà, donc après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre remarque. Mais en fait, si j'ai insisté là-dessus, c'est pour dire qu'il y a aussi d'autres options aujourd'hui qui sont discutées par, après on en pense qu'on veut, mais par des groupes comme la décroissance, par exemple, qui eux remettent en question l'idée de l'accumulation du capital. Et que ces groupes-là ne le font pas. Après, ce n'est pas forcément pour dire qu'ils devraient ou pas le faire, c'est juste pour montrer que... c'est une manière bien précise d'envisager l'économie dont ils font la promotion. Oui, pour compléter votre réponse, ce serait intéressant d'avoir les références des études dont vous parlez de Genève sur le site de Genève. Moi, oui, oui, les références, je pourrais les mettre, il n'y a pas de problème pour ça. Et justement, je voulais vous poser une question, mademoiselle. Est-ce que vous généralisez pas au niveau du travail des ONG? Est-ce que toutes les ONG sont ajoutées? Voilà. Je peux donner que mon avis personnel sur ce sujet-là, parce que je ne travaille pas sur les ONG. Hein. À l'origine, moi, mes terrains de recherche, ils portent sur la question de l'identité, en fait, et de la dimension politique de l'identité. Voilà. Et du coup, si j'ai été amenée à travailler finalement la question de l'économie verte, et c'est pour ça que ça m'a fait aussi beaucoup avancer d'échanger avec Gwenaël, qui lui travaillait selon selon un point de vue vraiment macro, là pour le coup, moi ça m'a donné une compréhension un peu plus globale du système. J'ai été amenée à travailler sur les ONG suite à cette rencontre avec cette ONG, Planète Amazon, en faisant de l'interprétariat pour les Kayapo. En l'occurrence, en ce qui concerne Planète Amazon, oui, je pense avoir documenté que ce qu'ils font, c'est quand même beaucoup plus ambigu que ce qu'ils présentent. Maintenant, je pourrais répondre que à titre personnel sur est-ce que toutes les ONG sont achetées. J'ai pas de travaux là-dessus particulièrement. Peut-être Brunel peut développer. Après, ouais, je voulais juste dire que le discours, c'est pas, enfin, bon, le discours qu'on a voulu porter, c'était pas forcément de dire que toutes les ONG sont à la solde des grandes fondations nord-américaines. C'était pas forcément ça le but du discours. Après, il faut être très très précis qu'on parle des ONG et pas faire de généralité. Par contre, il est vrai aujourd'hui qu'il y a quand même un trouble qui est assez important pour moi, par exemple, en tant que chercheur. Quand je vois des fondations comme le WWF, comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, qui perçoivent dans certaines mesures, après il faut regarder pays par pays, mais qui perçoivent des fonds parfois de ces fondations. Enfin, Greenpeace par exemple, alors Greenpeace France est a priori assez irréprochable puisque c'est que des dons touchés par des particuliers. Et d'ailleurs, un rapport de la Cour des comptes en 2012, puisqu'il y a des polémiques, a d'ailleurs bien montré qu'il n'y avait pas de problème pour la France. Par contre, ce que ne dit pas le rapport, c'est qu'à l'échelle internationale, par exemple, Greenpeace est financé par le Rockefeller Brothers Fund. Et, enfin, alors après, voilà, il faut regarder l'importance de ces financements, mais enfin, moi, voilà, c'est assez facile sur les sites de fondation de voir qu'ils ont eu des dons en telle ou telle année. Voilà. Donc, après, il faut regarder au cas par cas, il ne faut pas généraliser sur les ONG. Hein. Je pense. Je voulais savoir l'intérêt genre de Rockefeller et puis ses grandes entreprises de fonctionner dans ce sens-là, c'est la propagande dans notre logique sur l'écologie pour la divulguer au plus grand nombre. Hein, c'est un genre de publicité qui se permet de faire, donc ils mettent de l'argent dedans, ils vont sur le terrain et en fait il y a très peu d'argent, on voit bien parce qu'il n'y a que 16% qui sont reversés apparemment directement. Donc on sent que c'est un truc de propagande pour peut-être vendre leur produit derrière parce que peut-être qu'ils produisent des trucs écologiques et je ne sais pas, les panneaux solaires, les trucs, c'est pas ça, peut-être les problèmes. Parce que pour l'instant, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent gagner à part ça. Il y a quand même tout un tas d'acteurs impliqués dans ces campagnes qui gagnent énormément d'argent en fait, à réaliser les spots publicitaires, à réaliser enfin, les différents intermédiaires, et puis qui gagnent aussi, je crois que Gwenaëlle a raison d'insister sur la dimension du pouvoir. Je crois qu'il y a aussi beaucoup une question effectivement de place, de pouvoir, de représentation politique. Hein, on retrouve aussi souvent dans ces acteurs ou dans ces ambassadeurs, comme on peut par exemple les voir présentés sur le site de la Fondation Nicolas Hulot, on retrouve aussi beaucoup de personnes qui ont été en politique, sont en politique ou ont prétention à être dans la vie politique. Enfin, je crois que les intérêts sont vraiment divers. Je crois qu'il y a encore beaucoup de recherches à mener là-dessus. Hein. Il n'y a pas... Il y a des liens entre tout ça. Et après, ça se joue aussi à différents niveaux. C'est-à-dire que, effectivement, c'est faire passer ce discours. Je vois, par exemple, pour le cas des Kayapo, ils ont énormément de partenariats avec des entreprises comme The Body Shop, par exemple, pour tout ce qui est extraction de la noix... avec les coquilles de noix et la fabrication de produits de beauté qui sont labellisés. Par exemple, l'enjeu actuellement pour le mouvement indigène, c'est toute la question de la reconnaissance des savoirs ancestraux et des savoirs dits traditionnels qui concernent le vivant et la biologie. Donc tout ce qui va être recettes, tout ce qui va intéresser depuis longtemps, hein, ça intéresse l'industrie pharmaceutique. De connaître effectivement l'usage des plantes, etc. Par exemple, l'usage des plantes psychotropes, c'est aussi quelque chose sur lesquels les Indiens sont en train de mener une bataille qui est très intéressante à regarder sur comment ils vont s'approprier et retraduire l'idée de propriété intellectuelle et des brevets pour pas se laisser berner par ce qui est en train de se passer parce que ça s'accélère et l'enjeu il est vraiment là-dessus. Voilà, je ne sais pas si on a répondu. Alors, moi j'avais une question sur l'acteur, les partis politiques écolo, il ne marche pas du tout. Je vais parler fort, c'est pas grave. C'est bon. Je voulais savoir, donc au niveau des partis politiques. officielles et officieuses ils vont avoir par rapport à ce fonctionnement entrepreneurial finalement des ONG que je soutiens complètement. Là, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais un élément auquel je m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est d'avoir vu tout au long de cette campagne, par exemple, de Planète Amazon, d'avoir vu un certain nombre de représentants politiques, en particulier d'Europe Écologie Les Verts, impliqués de près ou de loin dans la campagne et lancés aussi parallèlement, eux. Il y a une pétition qui circule actuellement sur la prise en compte de l'écocide, cette idée de crime, l'idée de génocide après les lois de Nuremberg, crime contre l'humanité, là c'est crime contre la nature, l'écocide. Et il y a une pétition qui se lance sur pour la reconnaissance de l'écocide en Europe et l'instauration d'une nouvelle nomenclature pour punir ceux qui font du mal à la nature. Bon, je schématise un peu. Et il me semble que en fait, ça n'a pas rien à voir avec ce dont on est en train de traiter. Mais après, je n'ai pas énormément d'autres éléments à annoncer là-dessus. Alors, juste pour compléter, parce qu'on parlait d'Europe Écologie Les Verts, pareil, je ne vais pas faire de généralisation puisqu'il y a beaucoup de courants dans ce parti et du coup je voudrais même garder de généraliser. Par contre, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure, donc qui est vraiment une idée forte de l'économie verte aujourd'hui, vous avez en France un institut qui s'appelle l'Institut, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais l'Institut de l'économie circulaire et qui est aujourd'hui, et qui a notamment discuté lors de la conférence environnementale de début septembre en France, à Paris, et le président de cet institut est justement un député d'Europe Écologie Les Verts, dont vous m'excuserez parce que j'ai oublié vraiment le nom, et après ce que je voulais juste rajouter, c'est que sur certains groupes aussi sur lesquels je travaille en région parisienne, donc plutôt des clubs de réflexion qu'on ne voit pas nécessairement à l'échelle médiatique, il y a aussi parfois des cadres d'Europe Écologie Les Verts qui viennent participer aux discussions justement autour de cette fameuse économie verte, sur la manière de la mettre en place, etc. Même si, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser sur l'ensemble de ce parti politique, mais juste de montrer qu'il y a des liens quand même au niveau politique avec ce parti. Juste pour ne pas généraliser sur ce parti politique plus qu'un autre, il faut bien insister sur le fait que, par exemple, sur ces campagnes, comme Urgence Amazonie dont je parlais, on retrouve toutes les couleurs politiques. Et c'est ça qui est très... j'ai pas de terme comme ça, ça nous mettrait mal à l'aise parce que du coup on sait plus, on a du mal à appréhender, les cartes sont vraiment brouillées. Donc par exemple, Jacques Chirac et la fondation Jacques Chirac est le parrain de l'Institut Ohaoni depuis 2001 ou 2002. Et puis on va retrouver d'autres personnalités politiques, juste pour insister sur le fait qu'il ne faut pas... Là, on parle d'Europe Écologie Les Verts parce que la question m'a fait tout de suite penser à ça, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça et c'est ça aussi qui est assez désarmant, en fait. Je précise qu'il n'y a plus de micro parce qu'il n'y a plus de pile. Mais sinon, il y a ce micro. J'avais une question sur... En fait, tu as parlé du capitalisme. Et du coup, de l'accumulation de richesses, de la logique d'accumulation de richesses. Il y a une autre logique qui me semble essentielle dans l'économie moderne, c'est celle de la rentabilité à court terme. Et est-ce que justement, ça n'entamerait pas l'économie verte ? Enfin, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Est-ce que la rentabilité à court terme ne... La différence en fait entre les cycles économiques qui sont assez rapides et les marchés sont très réactifs et les cycles naturels qui sont très lents, et justement est-ce qu'il n'y a pas une... Mais justement en fait l'idée c'est que dans cette fameuse économie cyclique, comme il n'y a pas de remise en question justement de cette fameuse logique d'accumulation du capital, ça veut dire que le capital il doit nécessairement continuer à s'accroître d'un cycle économique du coup à un autre. Cette logique d'accumulation n'est pas remise en cause. Et du coup ce qu'on voit c'est que au sein de l'économie verte, c'est pas l'idée, on va moins produire, il n'y a aucune remise en question du modèle de croissance et du modèle consumériste actuel, bien au contraire. L'idée c'est juste on va optimiser les ressources. Donc, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais par exemple, vous avez des travaux aujourd'hui qui se développent et qui essayent de nous dire par exemple, le nombre de matériaux qu'il me faut pour fabriquer, je prends un exemple tout bête, hein, fabriquer une chaise, hein, le nombre de matériaux qu'il faut, on va accroître la productivité des ressources. Donc, c'est-à-dire que pour faire une chaise, il vous faut 2 kilos de tel ou tel matériau, on va essayer de faire en sorte qu'il en faille, je sais pas moi, 1,5 kg ou 1 kg si on peut. Du coup, on va se dire, bah, c'est super, on gagne sur les ressources et puis on est en train de sauver la planète parce qu'on utilise les ressources plus intelligemment. De la même manière, au lieu de jeter nos objets, on va se dire, bah, plutôt que les jeter, dès la conception, hein, cet ordinateur par exemple, on va essayer de faire en sorte que le que ça parte à la poubelle et qu'on puisse pas récupérer la moitié des matériaux, bah, non, on va penser des plastiques, des métaux qu'on pourra récupérer facilement par la suite. Sauf que, bien évidemment qu'au niveau des ressources, on l'appliquait de manière généralisée au niveau de l'économie, on gagnerait forcément quelque chose, mais pour moi c'est de la gestion de ressources, on économise les ressources, mais sauf qu'il y a toujours cette logique que le capital doit s'accroître sans cesse. Du coup, on gagne. Enfin, pour moi, et c'est ce que montrent certains travaux justement réalisés par des chercheurs du Sud qui sont assez intéressants, c'est que il n'y a pas de remise en question de l'accumulation du capital, donc on fonce toujours dans le mur, enfin, si je peux le dire un petit peu de manière directe. On fonce toujours dans le mur, c'est juste qu'on gagne du temps en fait. On gagne du temps parce qu'on essaie de gérer mieux les ressources, sauf que on n'essaie pas de se poser la question de savoir si c'est toujours utile d'avoir le dernier iPhone, etc. Alors peut-être que demain on aura des iPhones qui pourront se recycler à l'infini, ça sera bien. Et du coup, la rentabilité elle est toujours à court terme. Au final, c'est juste qu'on gère mieux les ressources. Ce qui est intéressant aussi dans tout ce qu'on évoque, c'est qu'on reste en fait dans un même modèle du point de vue des messages, par exemple, ce serait intéressant que le débat revienne un peu là-dessus, c'est du point de vue des messages qu'on adresse aux citoyens en leur disant, voilà, soyez éco-acteurs, éco-citoyens, etc. On reste dans ce même modèle de culpabilité, qui est un modèle de conception occidentale de l'homme... est dominant sur la nature, l'a exploité, et aujourd'hui, il en paye les conséquences, et on est dans ce modèle de la culpabilité. Et si, par exemple, on essaye de, pour rebondir un peu sur cette idée d'accumulation et de production illimitée, pour rebondir sur ce dont je vous parlais à propos des Kayapo et sur le fait que, par exemple, on n'a jamais essayé de considérer leur point de vue sur l'environnement, quel était-il et comment ils pensaient ça. Pour eux, par exemple, ils n'ont jamais pensé la nature en tant que telle, hein, séparée, parce que dans leur expérience du monde naturel, alors là, il faut revenir sur le fait que c'était des sociétés à faible densité démographique, qui vivaient des grosses parties de l'année en migration, qui avaient des techniques relativement rudimentaires en termes d'impact sur l'environnement, pour tout un tas de raisons d'organisation sociale, en fait, ils avaient une production qui ne relevait pas de l'économie. Enfin, l'économie, du coup, dans leur expérience du monde et leur expérience quotidienne, elle n'existait pas, puisque c'était ce qu'on a appelé l'économie de subsistance. Est-ce que certains anthropologues comme Marshall Salins ont dit que, en fait... Ces sociétés qu'on appelait primitives, finalement, c'était les premières sociétés d'abondance, parce qu'en fait, elles vivaient sans surplus et qu'elles vivaient en prenant en considération le bien-être des membres de la société et le bien-être de l'écosystème, en les mettant sur le même plan, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de distinction, puisque tout était interdépendant. Mais voilà, c'était dans une expérience du monde bien particulière. Et du coup, ils ont toujours pensé finalement la nature comme inépuisable, puisque leur expérience du monde naturel n'avait pas... la nature n'était pas, ne pouvait pas être atteinte par l'exploitation humaine, puisque les pouvoirs humains étaient bien inférieurs aux pouvoirs de la nature. Et là, du coup, on est dans des logiques aussi complètement différentes, et ça pose... question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les modèles dans lesquels on leur propose de s'insérer, c'est plus du tout ces modèles de pensée. On leur demande d'appliquer une espèce de, là pour le coup, de science éco-gestionnaire dont nous, on leur donne la caution. Et on leur dit, voilà, il faut faire attention, il faut préserver l'environnement, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, on va vous apprendre. On leur, aujourd'hui, les Kayapo, par exemple, on leur donne des cours d'agroécologie. On leur... je veux dire, il y a des choses qui sont quand même assez aberrantes, en fait. Il y a des gens qui sont en train de financer ces programmes, de gagner de l'argent avec ces programmes, en apprenant à ces populations à vivre selon, une idéologie qu'on a formée de toutes pièces et qui est en soi assez contestable. Simplement intervenir là, pour parler du capitalisme et des économies vertes, parce que vous disiez que la forme de la chaise, par la même chaise avec moins de bois, qui soit aussi solide. Et aussi un autre aspect, on pourrait dire, l'économie verte. Dans le capitalisme, il y a le profit. Donc est-ce que justement, c'est pas un moyen de promouvoir en maintenant le profit sur l'entreprise. Le profit qui est mondial dans le système actuel. Oui, tout à fait. Bien évidemment que derrière ça, il y a l'histoire de maintenir le profit des entreprises. Et même si on n'a pas pu développer sur beaucoup de diapos, quand on voit tous les projets, quand on voit tous les exemples concrets que j'ai développés tout à l'heure sur, par rapport à l'économie verte, hein, les marchés carbone, les mécanismes de compensation, quand on regarde vraiment ceux qui sont engagés derrière, vous avez quasiment derrière chacune des initiatives, vous avez le groupe Vinci par exemple qui est omniprésent derrière ce type d'initiative. Voilà, vous avez vraiment des gros groupes comme ça. Donc je veux dire, la radicalité annoncée de l'économie verte, elle est quand même à questionner sérieusement quand on voit que ces multinationales visiblement ont tout intérêt à promouvoir ce type d'approche. Donc c'est sûr que par rapport au profit, je pense que oui, clairement, c'est un moyen de maintenir le profit, parce que l'idée c'est, même si demain vous vous mettez à fabriquer des chaises qui utilisent moins de matériaux, l'idée c'est toujours d'en vendre toujours plus, hein. Donc le principe, ce qu'on appelle parfois l'obsolescence programmée, hein, l'idée, on fabrique des objets peu solides parce qu'avec l'idée que leur durée de vie va être limitée. Moi, pour avoir vraiment travaillé, quand j'étais en master, j'ai travaillé quasiment 2 ans sur les textes de l'économie verte, donc sur la branche la plus radicale de ce mouvement, justement, et de voir, de pousser la logique jusqu'au bout, vraiment d'analyser ce qu'ils proposaient au niveau de l'économie. Je peux vous assurer que, clairement, il n'y avait absolument rien du tout, sur, ou quasiment pas, sur l'histoire de la durée de vie des produits qui est limitée, parfois volontairement, etc. Il n'y avait absolument rien là-dessus. Voilà, donc l'histoire du profit, elle est... D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est le nouveau moteur, il s'agit de faire de l'écologie le nouveau moteur de la croissance économique. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté sur. C'est présent dans tous les rapports quasiment. Et d'ailleurs, c'est économie verte, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en 2005, vous avez le fameux rapport Stern qui avait été remis au gouvernement britannique. Et c'est vraiment à partir de ce rapport de 2005 que l'ONU a commencé à reprendre cette idée d'économie verte. Pourquoi ? Parce que dans ce rapport, il y avait écrit. En gros, il faut à tout prix investir dans l'écologie, etc. Enfin, dans une certaine vision de l'écologie, bien évidemment, puisque ça va être le nouvel Eldorado économique de demain. Donc, on va sortir de la crise économique grâce justement à cet Eldorado vert. C'était vraiment clairement écrit dans le rapport. Je le reformule un petit peu, bien évidemment, en le disant comme ça, mais c'était quasiment. C'était on ne peut plus transparent. Ça peut être une autre chose. Dépend comment ça se trouve l'aspect de la politique. Et tout dépend comment c'est contrôlé. Effectivement, quand on voit dans les présentations qu'on vous a faites que le secteur non gouvernemental ne représente absolument plus un contre-pouvoir, c'est là où, effectivement, ça pose question sur le rapport politique. Oui, là-bas. Il y avait quelque chose que je trouvais intéressant aussi dans votre présentation, c'est par rapport à l'évolution du terme, de passer du développement durable à celui de l'économie verte, puisque on se rend compte qu'en 2008, c'est quand même pas une date inconnue pour nous tous, je pense, par rapport à la crise économique. C'est intéressant de voir que les trois piliers du développement durable ne deviennent que deux et que l'aspect social ne paraît pas faire partie de l'avenir et d'un moyen de sortir de la crise économique dans laquelle on est, puisqu'on l'occulte totalement du nouveau modèle. Donc je voulais savoir un peu ce que vous pensez. Ah ouais, Bah, c'est tout à fait juste parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant le dernier sommet là, qui a eu lieu en 2012, Rio plus 20, il y a eu vraiment une énorme bataille entre les pays du Sud et les pays du Nord, justement, sur cette question d'économie verte, puisque ce que disent les pays du Sud, qui ne remettent pas forcément en question la plupart des pays du Sud, c'est savoir que leur position à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément de remettre en question le principe du libre-échange. Donc, ça veut dire que c'est vraiment... d'ailleurs, le Brésil est concerné par ce que je dis. Et donc, ils discutent dans le cadre du libre-échange, mais dans ce cadre-là, ils disent que l'économie verte pourrait... Enfin, pour eux, c'est un moyen, c'est le gros risque qu'ils entrevoient, c'est un moyen de ce qu'ils appellent de mettre en place du protectionnisme vert. C'est-à-dire, on va dire aux pays du Sud, bah, voilà, nous, pays du Nord, on a des technologies pour produire des objets écologiques. Vous ne pouvez pas le faire, mais du coup, vos produits, on ne peut pas les accepter parce que si on les accepte, ça va tuer la planète un petit peu plus. Voilà, et effectivement, par rapport à cette histoire des trois piliers, les pays du Sud, leur crainte, c'est effectivement que le pilier social disparaisse totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a quasiment pas eu de consensus à l'issue de ce sommet, puisque la plupart des pays du Sud ne veulent pas de cette économie verte. Parce que pour eux, eux, ils veulent bien discuter dans le cadre du développement durable, mais ce qu'ils disent, c'est vous nous avez tellement promis, vous, pays du Nord, pour le développement durable, qu'on n'a rien vu venir. Par exemple, c'est un exemple tout simple, hein, le principe de responsabilité commune, mais différenciée. C'est-à-dire, on est tous responsables de ce qui se passe, donc c'est à nous d'agir en commun, pays du Nord et pays du Sud. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est quand même vous, les pays du Nord, qui avez pollué, donc c'est quand même à vous d'agir un peu plus que nous. Bah, par exemple, voilà, c'est un exemple tout bête, mais avec l'expression d'économie verte, il y a des gros débats là-dessus parce que les pays du Sud craignent vraiment que ce principe-là soit remis en question. Et d'ailleurs, ce principe-là n'a pas été suivi d'effet. Il y a eu très très peu depuis 1992, les transferts des technologies de pays du Nord aux pays du Sud, parce que ça implique ça, hein, l'histoire du principe de responsabilité commune mais différenciée, ça impliquait notamment que les pays du Nord donnent des technologies aux pays du Sud pour se développer. Ça jamais, il n'y a quasiment rien eu là-dessus, concrètement. Voilà, donc effectivement, les pays du Sud ne peuvent pas être d'accord sur ce genre de... Moi, je vais juste rebondir en reprenant ce dont je viens de vous parler tout à l'heure. Voilà, on voit, ça se passe vraiment à sens unique. Et aujourd'hui, par exemple, pour parler du point de vue du Sud, la bataille, elle est, par exemple, pour le mouvement indigène, sur le fait de réussir à se placer dans cette économie verte pour garantir une subsistance économique et puis une certaine autonomie politique, dont on voit qu'elle est quand même très largement mise à mal depuis plusieurs années. Notamment voilà, sur la question des brevets, des savoirs dits traditionnels, de pas laisser passer toutes ces choses-là comme avant, sans en avoir un retour. Mais la bataille est rude. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre de ces campagnes, on assiste à tout un tas d'hyperspécialisation sur des domaines juridiques, entre autres, dont le document de licence que je vous ai exposé, hein, d'autorisation du nom et de l'image exclusif de Raoni à l'ONG. La bataille, elle est vraiment là-dessus. Il s'agit pour le mouvement indigène de réussir à s'approprier nos outils juridiques et bureaucratiques pour réussir à tirer sa part du gâteau dans cette histoire. Mais la bataille est sévère. Vous avez parlé de certaines tribus qui étaient défavorisées. Comment on explique ? Parce qu'ils sont excentrés, parce qu'ils sont minoritaires. Dans l'histoire de ces peuples, il y avait des différences qui ont fait que c'est exacerbé. Où ils ont eu des leaders. Enfin, voilà. Oui, les groupes en fait dont j'ai parlé, donc c'est les Indiens du Nord-Est, certains avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, en fait les Potiguaras, qui sont sur le littoral, donc historiquement ont été les premiers en fait atteints par la colonisation et par le métissage, le mélange des populations, hein, parce qu'il faut savoir que la colonisation au Brésil, c'est une colonisation portugaise. Ce sont des hommes qui arrivent seuls, à la différence de la colonisation aux États-Unis, où là, ce sont des familles qui migrent. Donc, très rapidement, en fait, les mélanges sont effectués dans des conditions dont je vous laisse imaginer la teneur. On a énormément de récits dans les familles d'arrière-grand-mères indiennes capturées au lasso. Enfin bon, c'est des choses comme ça. Puis, avec une deuxième vague de mélange au moment de l'esclavage. Et en fait, du coup, ce sont ces Indiens qui ne sont pas reconnus comme légitimes parce que ne correspondant pas aux stéréotypes de l'Indien, c'est-à-dire cet Indien, par exemple, l'Indien stéréotypé par excellence, c'est Raoni, que je vous présente. Ils en jouent beaucoup, hein, ils ont compris que qu'une certaine présentation et communication autour d'une certaine image qu'on leur a donnée et qu'on veut bien voir, c'est très payant. Ça fait très longtemps qu'ils maîtrisent totalement ces codes de présentation. Les Kayapo, eux aussi, en fait, au Brésil, les Indiens, ils étaient tous sur le littoral à l'origine. D'ailleurs, dans la plupart des endroits au Brésil, on retrouve des noms de villages, de lieux qui sont issus du Tupi-Guarani, qui était la langue, le tronc commun. Les Kayapo, en fait, eux, ils vont migrer au moment de la colonisation, peu après la colonisation, vers l'Amazonie. C'est là où je disais, on vous ment quand on vous dit que l'Amazonie brésilienne, c'est l'équivalent des Indiens. Parce qu'à l'origine, en Amazonie, il n'y a pas d'Indiens. Les Indiens, ils y sont depuis peu de temps, finalement, depuis 500 ans. Il y a d'ailleurs pas mal de recherches archéologiques qui sont, enfin, pas assez à mon goût, qui sont menées. On a découvert pas mal de sites où on retrouve des traces, des pétroglyphes notamment, qui attestent qu'en Amazonie, en fait, à l'origine, il y aurait eu des populations noires, ce qui remet totalement en cause les théories de peuplement de la planète et les théories qu'on a autour des continents. Donc voilà, donc ces Indiens du Nord-Est, en fait, par exemple, ils se retrouvent complètement marginalisés puisqu'ils ne correspondent pas à ce stéréotype de l'Indien qui vit en Amazonie, qui parle encore sa langue, qui se présente toujours avec des plumes, avec des peintures, etc., etc., etc. Ils parlent le portugais. Souvent, effectivement, ils ont été « mélangés », entre guillemets, il y a ce terme pour se référer à leur histoire. Souvent, ils ont perdu la plupart des rituels. Et aujourd'hui, bah, ils essayent de se battre pour faire reconnaître cette identité indienne qui leur ouvrirait des droits. Hein, des droits notamment en termes de territoire et des droits aussi en ce qui concerne l'accès à la santé et à l'éducation. Et ils sont donc obligés, pour revendiquer cette identité, de se conformer à l'image stéréotypique et au cadre, en fait, hein, que les juristes et les technocrates ont formulé pour dire ce que c'était être indien aujourd'hui au Brésil. Et voilà, du coup, c'est très problématique parce que l'État leur demande de s'insérer dans ces catégories qui sont très rigides. Comme ils n'y correspondent pas, l'État ne répond pas à l'application de leurs droits. Comme ils n'ont pas la même cote que ces Indiens qu'on présente sous l'aspect stéréotypique, les ONG non plus ne s'intéressent pas tellement à leur cause ou dans une bien moindre mesure. Et du coup, ils se retrouvent vraiment dans des positions très difficiles parce qu'ils sont, comme je disais tout à l'heure, doublement marginalisés et vulnérables. Ouais. Parce que les Indiens, ils ont, sans ce contact avec donc, ces multinationales ou ces ONG, est-ce qu'ils ont vraiment une possibilité d'exister politiquement dans leur pays? Alors, c'est une bonne question. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas la possibilité d'exister politiquement ou quasiment pas sans le contact avec les ONG. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit hein, au moment des années... Au moment des années 80, ils auraient peut-être pu exister politiquement dans leur pays, hein, parce qu'on a vu que leurs revendications, tout d'un coup, elles ont connu un écho, puisqu'on contestait la dictature, et que du coup, les Indiens étaient un peu érigés en emblème hein, de cette contestation de la dictature et de cette preuve que la démocratie était bafouée. Et en fait, au moment où on adopte la nouvelle constitution, on leur concède hein, des droits différenciés, ce qui est quand même une avancée assez majeure. Donc ils auraient pu effectivement avoir une existence, un soutien politique à ce moment-là, mais il n'est pas suivi de fait. Hein. On voit que l'État ne s'est pas engagé réellement à mettre en pratique les droits. Et du coup, effectivement, ils se tournent assez logiquement vers le secteur non gouvernemental qui, là, pour le coup, à cette époque, est présent. Et aujourd'hui, bah, c'est un petit peu ce que Turner écrivait dans les années 90, que il y avait quand même un risque à ce que leurs aptitudes à capter les ressources et puis les droits, elles reposent uniquement sur le secteur non gouvernemental. Et je pense que c'est, un, c'est ce qu'on voit clairement aujourd'hui. Ils sont totalement dépendants du soutien, en particulier international, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que le soutien d'ONG national est très minoritaire. Ce sont énormément d'ONG internationales. D'ailleurs, du coup, tous ces leaders indiens, ils effectuent des tournées dans les pays européens très fréquemment. Voilà. Désolé, on va s'arrêter là. Enfin, c'est des questions de toute façon que tu pourras leur poser après. Donc voilà, on va passer au petit gâteau, au petit jus de fruits. Avant ça, je reviens. Donc le prochain Café Géo, c'est le 29 janvier. Donc j'étais un peu flou. Marchons pas. J'étais un peu flou tout à l'heure sur la route. C'est l'arrêt de bus du tram qui s'appelle Liberté. Voilà, c'est juste à côté sur le côté nord. Donc c'est le centre social qui s'appelle Pluriel. Voilà, on va. Donc merci à Gwenaëlle et Cécilia. Merci aux assos. Merci à vous d'être venus.